Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi 23h si vous avez loupé le début. Cette semaine, on rediffuse Syrie, Colombie, quand l'État devient assassin. Une série de Nicolas Jox, réalisée par Christine Digère. Au départ de cette série, il y a les milices paramilitaires qui sèment la terreur et le meurtre en Colombie et les récits des survivants. Il y a l'incrédulité et la stupeur des dizaines de milliers de morts, des systèmes machiavéliques et des régimes pervertis devenus criminels. Il y a aussi la violence érigée en principe, la surveillance et l'étonnement toujours de constater ce que peut générer la soif de pouvoir. Alors pour commencer, les personnages. Des avocats qui font face au danger, des hommes politiques qui veulent recommencer à zéro, des journalistes qui ne lâchent pas l'affaire et des mères éplorées mais déterminées. Ensuite le décor, des fours crématoires que l'on ne veut pas voir, des disparitions, des tas de vêtements, des manifestations, des chants, des cris et la jungle où l'on peut être tué comme on peut s'y cacher. Aujourd'hui, troisième épisode, il y a des accords de paix entre l'État et les FARC en Colombie. La seguridad democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio. Ya se acude crecientemente a la fuerza pública. La comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse. ¿A dónde acudir? A las autoridades civiles y a las fuerzas armadas. Colombie, le combat des victimes du paramilitarisme. Avec la signature des accords de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement, la société colombienne commence à reprendre espoir. La paix semble à portée de main. Si la guérilla, comme le prévoient les accords de la Havane, a commencé à reconnaître publiquement ses crimes, ceux commis par l'État et les groupes paramilitaires d'extrême droite restent souvent dans la plus totale impunité. Dans le pays, des femmes et des hommes se mobilisent pour lutter contre l'oubli. Ils exigent que justice soit faite. Nous nous proposons de rencontrer ces Colombiens en résistance. Mauricio Romero fut l'un des premiers universitaires à révéler les liens des secteurs de la classe dirigeante avec les groupes paramilitaires. On ressent de l'indignation car dans ce pays, on a défini un ennemi à abattre. C'était la guérilla. Et au prétexte de se battre contre cette menace, on a oublié tout un tas d'événements qui ont eu lieu dans ce pays. On a effacé, oublié quantité d'actes de violence dirigés contre les secteurs les plus pauvres de la société. Des phénomènes tellement brutaux qu'ils ont conduit à la construction de fours crématoires pour effacer jusqu'aux traces de toutes ces tueries. Or, la critique morale de ces crimes-là n'atteint jamais le niveau de celle qui est dirigée contre les crimes de la guérilla. Les rapports du Centre de mémoire historique ont établi qu'environ 75% des crimes, déplacements de population et atrocités qui ont été commis l'ont été par des forces et des organismes d'État ou des paramilitaires. Mais ces 75% de crimes disparaissent dans la mémoire collective. Et seuls demeurent les crimes commis par la guérilla. Alors bien sûr, nous ne pouvons être satisfaits. Au début des années 2000, les groupes paramilitaires sont à l'apogée de leur puissance. Un ordre paramilitaire se consolide dans le pays avec la complicité de larges secteurs de l'appareil d'État. Los paramilitares Les paramilitaires ne sont pas seulement une force militaire, ils sont aussi une force politique, une force économique. Javier Osuna, journaliste. Dans certaines zones de Colombie, les paramilitaires sont au service de grandes multinationales pour déloger les paysans pauvres. Dans d'autres régions, ils ont conclu des pactes avec des politiques comme Aralito et à Casanare. Toutes ces alliances prouvent que les paramilitaires ont toujours agi en fonction d'objectifs divers, mais toujours en tissant des liens étroits avec le pouvoir décent, si j'ose dire. En Colombie, un politique sur quatre avait des liens avec les paramilitaires, que ce soit parce qu'il avait signé un pacte avec eux ou parce qu'il avait tiré profit ou sous-main de leurs actes de violence. Bueno, señores soldados, buenos días. En la presente hora de instrucción, vamos a hacer un ensayo de lo concerniente a fuego y movimiento. Elemento de asalto. ¡Contenido! Elemento de apoyo. ¡Contenido! Elemento de seguridad. ¡Contenido! Y el 2, 3, 4. ¡Y el 2, 3, 4! Tu tienes una fuerza militar. Avec une force paramilitaire extra-institutionnelle, tu peux réglementer la vie publique et privée dans ta région. Regular la vida pública y privada en esa región. Mauricio Romero, politologue. Transacciones económicas. Tu peux réglementer les transactions économiques. Qué tipo de contratos se hace con. Définir les types de contrats qui régissent les dépenses publiques. Salud, la santé, educación, l'enseignement, les routes et autres travaux publics. Forcément, puisque tu contrôles les élections locales, les maires, les conseillers, les députés, les gouverneurs. Et c'est exactement ce qu'ont fait les paramilitaires. Ils ont connu une énorme expansion sur la côte atlantique, à Santander, dans les régions de plantation de café, en Antioquia, dans la vallée du Cauca. Ils sont arrivés à contrôler près de 40% du territoire national. Et au contraire de la guérilla, ils étaient plus localisés dans les villes. Manejando una cantidad de negocios legales e ilegales. Devenus les principaux narcotrafiquants du pays, les groupes paramilitaires instaurent un nouvel ordre social dans les régions passées sous leur contrôle. Leurs combattants sont généralement recrutés dans la jeunesse désœuvrée des grandes villes ou dans les campagnes les plus pauvres. Devenir paramilitaire devient une manière de gagner sa vie, car contrairement aux guerrieros, les paramilitaires touchent une solde. En janvier 1998, dans la région du Putumayo, les paramilitaires prennent le contrôle de la ville de Puerto Asís. En 2002, un ancien policier de Puerto Asís me livre son témoignage sous couvert de l'anonymat. Les forces paramilitaires apparaissent lorsque la guérilla commence à faire pression sur les narcotrafiquants en les rançonnant et en les gênant dans leurs activités. C'est alors que les narcos décident de faire venir les paras. Ils s'installèrent par groupes relativement importants à quelques kilomètres du centre-ville, dans des fermes aux noms bien connus comme celle de Villa Sandra, à seulement 5 minutes en voiture de la base militaire. Tandis que d'autres, ceux qui opéraient en civil, s'installèrent dans des maisons en ville. Ils se sont organisés et renforcés. Ils déambulaient en ville dans leurs camionnettes, au vu et au su de tout le monde, portant des armes de longue portée, sous le regard ébahi des autorités elles-mêmes et de la population civile. Tous les jours, il y avait des crimes dans les rues de Puerto Asís. On commençait à s'habituer, même les enfants connaissaient leur surnom, l'araignée, le turc. On en était arrivé à un tel point que la force publique n'existait plus dans les rues. La population nous disait, pourquoi aller vers vous si d'autres sont plus forts que vous? Devant tant de violences, j'ai dénoncé tout ceci. Car tant de crimes, tant de victimes innocentes tous les jours, c'est plus que de la complaisance. Ne pas exercer l'autorité devant ces massacres, c'est en être complice. De lo que está sucediendo. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos. Gustavo Petro est un homme politique de la gauche colombienne. Ancien maire de Bogota, il fut aussi sénateur. Au Congrès, il mena au début des années 2000 les premiers débats publics pour dénoncer le narco-paramilitarisme et ses alliances au sein de l'appareil d'État. Claro que el presidente de la República quiere defender. Nuestra sociedad en parte, digamos, pero también la clase política. Notre société, je veux dire la classe politique, quand elle voit surgir cette armée anticommuniste sur le papier, mais en fait dirigée par les narcos, commence à élaborer des plans dans son intérêt. Certains politiques constatent qu'elle peut les aider à gagner des voix et passent des accords régionaux. Et c'est comme ça que les paramilitaires narcotrafiquants s'emparent d'une partie du pouvoir politique. Les investigations ont démontré qu'il réussira à contrôler plus de 40% du Congrès de la République et ainsi à faire des lois. La grande majorité des lois en Colombie a été faite par les paramilitaires. Ils sont arrivés à un tel contrôle des forces électorales qu'ils ont réussi à faire élire un président comme au moment de la première candidature d'Uribe. Ils commencent à contrôler l'appareil d'État et deviennent la première force politique colombienne. Bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea. En 2002, avec l'élection d'Álvaro Uribe comme président, le paramilitarisme semble parachever sa conquête du pouvoir, car la carrière du nouveau président est étroitement liée au phénomène paramilitaire. Que toda la Fuerza Aérea colombiana le preste a esta gran nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas. Face aux pressions de la communauté internationale et des organisations des droits de l'homme, le président Uribe organise en 2006 la démobilisation des groupes paramilitaires. Si 35 000 paramilitaires rendent les armes, seuls 3 000 sont poursuivis par les tribunaux. Mais quand les commandants paramilitaires commencent à expliquer les liens qui les unissent aux militaires et à la classe dirigeante, Álvaro Uribe décide de les extrader aux États-Unis. Iván Cepeda, sénateur. Il y a des accusations de toutes sortes contre Uribe. Depuis le fait d'avoir créé des groupes paramilitaires dans ses haciendas, jusqu'à celui d'être lié à des crimes, lui et son frère Santiago, qui est aujourd'hui en prison. Des membres de sa famille sont aujourd'hui extradés aux États-Unis pour leurs relations avec les narcos. Il y a de nombreuses personnes qu'il a rencontrées tout au long de sa carrière politique, comme son cousin, l'ex-président du Sénat Mario Uribe, son chef de la sécurité aujourd'hui extradé aux États-Unis, ses directeurs des services de renseignement accusés de complicité avec les narcos. Et je pourrais comme ça dresser une liste entière pendant une heure. Donc il ne s'agit pas d'une accusation particulière, mais bien d'une série imposante d'accusations contre Álvaro Uribe et qui s'étale sur plusieurs années. Javier Osuna est un jeune journaliste. Depuis plusieurs années, il dénonce avec courage les crimes paramilitaires. En 2015, il publie un livre, Tu me parleras du feu, les fours de l'infamie. Tout part d'un projet de site internet qui s'appelle Vérité Ouverte, créé parce que nous voulions que toutes ces vérités confessées dans le cadre de la commission Justice et Paix ne restent pas enfouies dans les archives, mais vivent et soient accessibles aux citoyens colombiens. C'est dans ce contexte qu'est arrivé entre mes mains une vidéo de l'interrogatoire d'un chef paramilitaire, Jorge Iván Laverde Zapata, qui avait été le chef d'un groupe de la région de Santander. Il travaillait sous l'autorité de Salvatore Mancuso, aujourd'hui extradé aux États-Unis. Qui a décidé de faire disparaître les corps? Notre chef, Carlos Castaño, nous disait que certains morts ne pouvaient pas apparaître, parce que cela aurait pu porter préjudice aux autorités, et même parfois aussi à nous. Et la verdad, me impactó muchísimo ver ese video. Cette vidéo fut un choc. Se veía un hombre aparentemente joven, on y voyait un homme relativement jeune, il avait 29 ans à l'époque, confesaba el uso de hornos crematorios para desaparecer a sus qui confessait l'usage des fours crématoires pour faire disparaître les corps des victimes dans le nord de la province de Santander. Entonces, me costaba creer que en Colombia se hubiera presentado un fenómeno. Et quand j'ai entendu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'Holocauste. Comment est-il possible que dans un pays démocratique, comme est supposé être la Colombie, on ait pu perpétrer des crimes rappelant ceux des pires dictatures? Entonces, en el año 2010, tomo la determinación de en 2010, je décide de revenir sur ce sujet que j'avais abandonné pour en quelque sorte payer la dette contractée vis-à-vis de la voix des plus fragiles, vis-à-vis des familles, en quelque sorte une dette envers la vie de ces personnes qui avaient été incinérées là-bas. Ce livre est un hommage à la vie qui résiste, au-delà de l'infamie, qui ne peut pas être effacée par le feu. Para la época de consolidación de Frente Fronteras, à l'époque, la ville de Cúcuta avait un taux d'homicide journalier deux fois plus important que la moyenne nationale. Il y avait des semaines où l'on pouvait compter jusqu'à 35 morts. Il y avait tellement de violence dans cette région, tellement de morts, que les paramilitaires furent obligés de cacher les corps pour éviter que les autorités n'engagent des enquêtes. Et ils les mirent sous terre, dans des fosses communes pleines de centaines de corps. Mais parce que dans la police, parmi les corrompus, il y a quand même quelques honnêtes gens, des enquêtes furent finalement engagées. Et pour éviter le scandale, les narcos décidèrent de faire disparaître les corps en les brûlant dans des fours crématoires, en les réduisant en cendres, de manière à ne laisser aucune trace. Cette méthode se révéla tellement efficace que ce qui devait être une solution transitoire pour résoudre le problème d'un trop-plein de corps à cacher s'installa comme une pratique qui continua à fonctionner 24 heures sur 24. On y envoyait des corps morts, mais aussi des vivants. Ce four crématoire paramilitaire est toujours en place. Les vêtements des victimes, les chaussures déformées par les flammes sont toujours là, collées au mur. Ceci demeure une zone contrôlée par les paramilitaires. Hoy recuerdo esa voz de quien se ha muerto y sigue muerto. Y duele saber que es cierto, no volverá. Ni en el recuerdo. J'ai parlé aux familles et je leur ai dit que j'avais l'intention d'aller au crématoire. La mamá de Luis me dijo ese día que ella me pedía un favor y es que si yo iba a los hornos buscara. La maman de Luis m'a alors demandé comme une faveur de lui rapporter les vêtements de son fils. Y la verdad cuando yo hablé con ella je me disais que 14 ans après, il allait être impossible de retrouver dans ces édifices des restes d'objets ayant appartenu à ces personnes. Dispuestos en la edificación. Entonces, hicimos un proceso de entrada. Nous y sommes allés à plusieurs, deux de mes gardes du corps et trois policiers. El caso es que fuimos para allá y es realmente aterrador, ¿no? Nous étions terrorisés, bien sûr. Los espacios tienen una forma de hablarnos, ¿no? Les lieux ont une manière de s'adresser à nous. De tajo, yo pensaba que era imposible encontrar restos de ropa allí. Entonces, cuando yo me bajo, dès la descente de la voiture, j'ai commencé à prendre des photos. Y yo voy acompañado por un cabo, si no estoy mal. J'étais accompagné d'un sergent armé. Et nous avions très peu de temps, car les paramilitaires pouvaient vite être avertis de notre présence. J'ai commencé à prendre des photos et soudain, je me suis souvenu des paroles de la maman de Luis. Et j'ai dit au policier, aidez-moi à chercher une chaussure. Et il en a trouvé une. Y detrás de ese hay otro, puis une autre, de ese hay otro, y detrás de ese et encore otro, une autre, se descubre et des morceaux de tissu, tela, des objets. Adherida al ladrillo. C'est impossible à décrire. Es indescriptible. Hay como tres torres. Il y a trois tours. Pero hay una que está llena et une d'entre elles est pleine de vêtements. Y hay un hueco. Il y avait un grand trou. O sea, uno no cree realmente verlo. Ya es otra cosa. Je n'arrivais pas à le croire. Pasa algo que es desagradable y es que et alors quelque chose de désagréable se produisit. Que han alertado nuestra presencia informan a un grupo de hombres armados que se vienen a nuestro encuentro cuando estamos porque les paramilitaires sont passés. Los paramilitares pasaron. D'abord sans s'arrêter. Siguieron derecho y ya cuando están adelante en la carretera nous ont vu depuis la route. Estamos tomando fotografías, entonces se devuelven en la et ils sont revenus en arrière sur leur moto. Los paramilitares vienen de vuelta. Les policiers nous ont alors dit qu'il fallait partir, que les paramilitaires arrivaient. Et moi j'étais comme hypnotisé devant ce grand trou en me demandant comment tant de vie avait pu disparaître là au fond. Ce grand trou, c'était une sorte de chaudière où il brûlait les corps. Et là, au fond, je vois une chaussure d'enfant, d'un enfant de 5 ans environ. Et bueno, sencillamente, nosotros pues bajamos lo más rápido que podemos, nos montamos al vehículo de la unidad y nos bajamos en ese carro a lo que nous sommes partis le plus vite possible pour Cúcuta. Yo creo que no alcanzamos a durar 10 minutos. Nous ne sommes pas restés plus de 10 minutes sur place. Ese día, ce jour-là, dans ma course, corriendo, je ne sais pourquoi, por instinto, yo j'ai eu le réflexe de ramasser une pierre. No tengo todavía ni siquiera muy aujourd'hui, claro je ne sais toujours pas complètement días, pourquoi, mejor, mais chaque jour qui passe, je comprends mieux mon geste. Creo que algunos años, parce qu'un si jour, esto no cambia, voy a necesitar esa si les choses ne changent pas, je vais avoir besoin de cette pierre pour me prouver que tout ceci a vraiment existé. Et si un jour ces murs sont abattus, moi au moins je saurai que cela a existé là-bas. Des années ont passé, les murs s'écroulent, mais personne ne fait rien. Les victimes restent silencieuses. Dans le nord de Santander, il est très difficile pour les survivants d'identifier les victimes de ces tueries. Quand ils essayent de savoir quelque chose, ils sont immédiatement poursuivis. Para el año 2001, me invitaron a un encuentro de víctimas. On m'a invité à une réunion de famille de victimes. Javier, une femme s'est approchée et m'a demandé si je connaissais l'histoire du Cucarrón. Et alors, la maman de Luis m'a raconté comment, à l'époque où son fils a disparu, Elle rentrait chez elle fatiguée parce que les autorités ne la soutenaient pas, triste et angoissée parce que les jours passaient sans nouvelles. Et un jour, elle s'est assise sous le porche pour pleurer. Un coléoptère, un cucarón, est venu se poser sur elle et elle lui a dit « Louise, ça suffit, laisse-moi ». Elle a appelé le cucarón du nom de son fils. Et le cucarón, comme s'il avait compris, est allé se poser plus loin. Alors, la maman de Louise m'a parlé de son fils, un jeune homme de 17 ans, responsable, travailleur, soutien de famille en remplacement de son père absent. Et quand je lui ai demandé ce qu'il était advenu de lui, elle me répondit, Los paramilitares dicen que lo quemaron. Les paramilitaires disent qu'ils l'ont brûlé, mais ils se trompent. Mon fils est devenu un cucarón. Cette histoire reflète l'essence même de ce qu'est une disparition. C'est un crime sur lequel les familles continuent de fonder de grands espoirs. Ce sont des amours éternels, car ils sont restés inachevés. Ces personnes n'ont pas pu nous dire au revoir. J'ai essayé de rendre hommage à ces personnes qui ont été incinérées là-bas. On doit s'en souvenir comme des personnes qui vivent encore, parce qu'ils les ont emmenées alors qu'ils étaient vivants. Ce que je veux dire aux Colombiens, c'est qu'on ne peut pas faire disparaître un être humain. Nous devons nous engager, chacun dans notre profession, à prolonger les vies de ces disparus. Ces êtres magnifiques comme Luis, Moïses, avec leurs erreurs et leurs vertus, étaient des êtres nécessaires. Si nous comprenons cela, nous comprendrons aussi l'étendue de ce crime. Camus disait quelque chose de beau. Les seuls morts qui existent vraiment sont ceux que l'on voit. Les statistiques ne servent à rien. 560, ce n'est qu'un chiffre. Mais ces trois-là, c'est juste rappeler quelques couleurs d'un monde où ils étaient des êtres nécessaires. Aparecieron colectivos de abogados. Aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo y unos traficantes de derechos humanos. Y tienen los recursos para publicar libros y mancillar la honra de nuestros generales y de los colombianos que batallamos contra el terrorismo. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. Pendant les 10 années de présidence d'Uribe, s'est produit un fait dantesque qui dépasse même le phénomène des paramilitaires. Gustavo Petro, homme politique. Et c'est ce qu'on a mal désigné du nom de faux positifs. Les faux positifs, c'est un processus organisé, prémédité par de nombreuses unités militaires et qui consiste à arrêter et à emprisonner, en dehors de toute légalité juridique, des milliers de jeunes des quartiers marginaux ou pauvres, des personnes handicapées mentales, des drogués rencontrés dans la rue. Toutes ces personnes étaient embarquées dans des camions, transportées sur la zone de conflit et fusillées. Une fois morts, on leur mettait un uniforme de guerrieros et on les déclarait morts au combat. Le commandement militaire de cette unité, en accord avec la classe politique, montait en grade en fonction des morts comptabilisées, une espèce de promotion à la mort, ce qui évidemment amplifia le phénomène. Les calculs en cours dénombrent environ 5000 morts, des jeunes surtout, considérés par l'armée comme des guerrilleros abattus. Ese fusilamiento es sistemático, es obviamente un delito de lesa humanidad. Ces exécutions constituent un délit qualifié de crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. tiene un móvil de política pública. Les motifs sont clairement politiques et ils impliquent le président Uribe. Lorsque le président Uribe demande qu'on lui amène des guerrilleros morts, quand il relie la promotion des gradés militaires au nombre des guerrilleros morts qu'ils peuvent lui présenter, il déclenche le processus. Il lui est alors facile, non pas d'affronter la guérilla, mais bien de se servir des paramilitaires pour aller chercher des jeunes en situation de grande vulnérabilité et dont la disparition ne sera sans doute pas signalée, et de les tuer. Et c'est ainsi que le président Uribe a pu affirmer devant la société que sa politique militaire était en passe d'éliminer la guérilla. Et la société l'a applaudi et l'a réélu. Soacha, au sud de Bogota, l'une des banlieues les plus pauvres de la ville. C'est ici qu'en 2008, le scandale des falsos positivos éclate. 19 jeunes de Soacha disparaissent. Quelques jours plus tard, leurs corps sont retrouvés à Ocaña, une ville située à plus de 600 km. L'armée colombienne les présente comme des guerrilleros abattus lors de combats. Les mères de ces jeunes hommes refusent la version officielle. Nous rencontrons les mères de Soacha. Quand mon niño se desapareció, mi niño fue desaparecido. Mon fils a disparu le 6 février 2008. Maria Wilhelma. Quand je suis allée déposer plainte, la personne qui m'a reçue m'a dit « Mais pourquoi tu pleures ? Je viens porter à la connaissance des autorités la disparition de mon fils. C'est un enfant. Il a 16 ans à peine. » Il m'a dit de me calmer, d'arrêter de pleurer, de rentrer chez moi et d'attendre mon fils. Que s'il ne revenait pas dans une vingtaine de jours, alors de venir déposer plainte. 20 jours. En rentrant, ma fille m'a dit qu'il avait appelé depuis Ocaña, dans la province de Santander. Je me suis demandé ce qu'il était allé faire là-bas. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je n'ai pas bien compris. Mais que tu ne t'inquiètes pas, qu'il allait rentrer dimanche ou lundi. Et que surtout tu ne le punisses pas en le privant de sortie quand il rentrerait. Les jours ont passé. Jusqu'au 25 septembre, où j'ai appris que mon enfant était mort. Jamais je n'avais imaginé que ce pouvait être à cause des personnes qui un jour ont juré devant Dieu de nous protéger. Je ne peux pas l'imaginer. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Je suis allée à Ocaña et j'ai dit au procureur que je voulais récupérer les restes de mon fils. Le procureur m'a demandé son nom et je lui ai donné. Luis Marina Bernal. Alors, en se tournant vers un autre juge présent, il a souri. Tu es donc la mère du chef du groupe des narcoterroristes? Je fus à la fois blessée et indignée, parce qu'ils ne savaient pas qui était mon fils. Je leur ai demandé s'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient se tromper. Non. Le rapport des militaires indique que ton fils avait une arme dans la main droite et que c'est lui qui a tiré le premier. Alors je lui ai dit, premièrement, mon fils avait 26 ans, mais c'était un enfant dans un corps trop grand, car il avait l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Deuxièmement, mon fils n'a jamais pu apprendre à lire ou à écrire, ou à reconnaître même la valeur de l'argent. Il était handicapé de la jambe et du bras droit. Je ne comprends pas comment il pouvait avoir une arme dans la main droite alors qu'il aurait été incapable de seulement la tenir. C'est alors que j'ai compris que mon fils avait été abattu par l'armée nationale de Colombie. 2 heures plus tard, 3 autres familles sont arrivées de Soacha et on leur dit à eux aussi que leurs enfants avaient été tués par l'armée nationale. Lorsque le 25 septembre 2008, nous allons, nous, les 4 mères, réclamer les restes de nos enfants, la nouvelle sort dans la presse et alors toutes les familles de victimes de la région ont commencé à se rendre compte que leurs proches avaient été assassinés par l'armée et que le tribunal local refusait de les croire, répondant toujours que ces personnes étaient des guerrilleros. Comment croire que des jeunes assassinés par l'armée à 2 pas de chez eux étaient des guerrilleros? C'est seulement quand ces 4 cas de Soacha sont apparus qu'on a commencé à dénoncer l'ensemble des crimes commis dans le pays. Positivos. La fiscalía llamó a juicio al general Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército, de la 5ª División, y hasta el pasado 8 de enero del comando. Los muchachos empezaron a desaparecerse según como el ejército. Les jeunes ont commencé à disparaître en fonction des besoins de l'armée. 2 años y medio atrás. 2 ans auparavant, des gens avaient ouvert une échoppe. Donde colocaron una tienda que se llamaba la tienda de los costeños y ahí. C'était devenu le lieu où ils les recrutaient. Ils les invitaient à boire un soda. En tant que retraités de l'armée, ils les aidaient à obtenir leur carnet militaire. Si les jeunes voulaient aider leur famille dans le besoin, ils leur proposaient du travail, soi-disant bien payé. Ils ont appris à bien connaître les besoins des jeunes. Et avec ces propositions, les ont attirés dans un piège, dans le seul but de les emmener se faire assassiner à l'endroit précis désigné par les militaires. Voilà comment se déroule le cas Soacha. Señoras y señores, yo vengo a contarle la historia de los muchachos de Soacha que fueron asesinados en el año 2008 en el mandato de Uribe y su ley de democracia. El gobierno los llamó los falsos positivos, como los muertos ya no hablan. Es un negocio bien lucrativo. No estamos aquí solo por Nous ne sommes pas ici seulement pour nos enfants. Nous ne sommes pas ici seulement pour les victimes de Soacha. Nous sommes ici pour les plus de 6800 exécutions extrajudiciaires et pour les fosses communes qui sont pleines à craquer. Nous ne comptons pas ici ceux qui ont été incinérés, ni ceux qu'ils ont jetés à la mer, ni ceux qu'ils ont dépecés avant de les jeter aux crocodiles. Il y a encore beaucoup d'enquêtes et d'investigations à mener. Et c'est de tout ceci dont les gens d'en haut, les agents de l'État, ont peur. Ils ont peur que l'on parle, que l'on se fasse entendre. Mais notre travail s'étend. Nous travaillons beaucoup, toutes ces femmes ensemble, au niveau de la région, du département. Je vais dans des écoles, des universités, parce qu'il ne faut plus qu'aucune mère souffre comme nous souffrons. Perdre un enfant te vide le cœur à tout jamais, et tu ne peux jamais combler ce vide, même avec d'autres enfants. Grita la tierra, lloran las piedras, lloran los montes, suspiran los campos, han sido maltratados con sangre de inocentes, con gritos de torturados. Ya llevo más de 8 años. Cela fait 8 ans que je cherche à obtenir justice. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas obtenu la première audience judiciaire. C'est triste à vivre et c'est honteux pour l'État. L'État m'empêche d'avoir accès à la justice. Avez-vous reçu des menaces? Beaucoup, bien sûr, beaucoup. Claro, claro, pero. Vea, el. Le 6 février déjà, j'ai reçu une première menace. J'accompagnais la petite à l'école et une moto m'a dépassée et s'est arrêtée en face de moi. Le conducteur est descendu de la moto, m'a attrapé par les cheveux et m'a plaqué contre le mur en me disant « Fais bien attention la vieille à ne rien dire. À te taire si tu ne veux pas finir comme ton fils, couverte de mouches. » Ensuite, une lettre de menace avec une balle a été glissée sous la porte. Elle disait, on vous suit, rappelez-vous la rouste. Si vous parlez, il y en a encore beaucoup comme ça pour vous. Le 22 juin, j'ai reçu un message sur mon portable qui disait, maman, je t'aime, signé le cadavre. J'étais seule avec ma petite fille et j'étais horrifiée. Pas pour moi, mais pour mes petits. J'avais peur qu'ils débarquent et qu'ils nous tuent tous. Mais malgré tout ça, nous devons continuer et rester fortes, parce que ce sont nos enfants. Mamita, ya no llores. Mamita, ya no sufras, perdóname si no me despedí. Pero es que madrecita, no pensaba demorarme, pero tampoco te quería hacer sufrir. Mamita, mamita, dame tu bendición. Porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia. Con luto se resiente. Porque la vida del creador alfarería, porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. Pour les victimes de crimes d'État, exiger que justice soit faite est un combat périlleux. Pour les protéger, les Brigades internationales de paix, une organisation non gouvernementale, les accompagnent. En Colombie, une cinquantaine de volontaires venus du monde entier travaillent aux côtés d'avocats ou d'organisations sociales. En PBI, je travaille en Colombie depuis 22 ans. Les Brigades internationales de paix sont en Colombie depuis 22 ans. Nous sommes en Colombie depuis 1994, à la demande surtout du père Javier Giraldo. Il fallait venir en Colombie car la situation des droits de l'homme y était très préoccupante. À cause du grand nombre d'assassinats, de l'intense persécution des mouvements politiques en général et des défenseurs des droits de l'homme en particulier. Nous accompagnons des avocats qui dénoncent les crimes d'État, les organismes qui font de l'accompagnement intégral dans les communautés rurales pour la revendication de leurs droits à la terre. En les accompagnant personnellement, nous rendons visible le réseau d'appui international dont peut bénéficier un défenseur des droits de l'homme. Et ce faisant, nous augmentons le coût politique d'une éventuelle agression d'un de ces défenseurs des droits de l'homme. Autre partie du travail est la capacitation des organisations à l'autoprotection. Une autre partie du travail consiste à former les organisations à s'autoprotéger, à analyser les risques qu'ils encourent et à essayer d'en réduire l'impact. Me da mucha pena, pero no estamos en condiciones de recibir a nadie porque pues eso requiere unas condiciones también de seguridad. Estamos en desarrollo también una obra. C'est toujours difficile de mesurer l'impact de notre travail. Mais nous pensons que la présence internationale aux côtés de ces organisations renforce leur confiance. Il ne s'agit pas seulement d'une présence physique, mais aussi d'appui psychologique, surtout ces dernières années. C'est vrai surtout dans la lutte contre les crimes d'État. Savoir que ton propre État ne te soutient pas, mais sentir que la communauté internationale est à tes côtés, cela, je crois, a un impact assez fort. Les personnes avec lesquelles nous travaillons n'arrêtent jamais. Ce sont les personnes les plus courageuses qu'il m'ait été donné de rencontrer. Elles ont sacrifié leur vie pour lutter pour les droits des autres. C'est un privilège que de vivre à leur côté parce qu'elles se battent pour la justice sociale dans ce pays. On cite souvent le taux d'impunité dans ce pays qui atteindrait 97%. Eh bien, les 3% restants sont le résultat du travail des avocats que nous accompagnons. Les informations, les nouvelles que nous recevons chaque jour sont généralement mauvaises, rarement joyeuses. Une menace, la nouvelle d'un défenseur qui a dû fuir sa communauté. Et bien sûr, cela pèse, car cela vient en plus du stress et de la charge de travail. Mais ça en vaut la peine. El del derrame piramidal social, parcial, siempre es judicial, civil, grandes en tus encuestas, doble discurso de liberal. Face au Parlement colombien, un campement s'est formé. Des jeunes, des déplacés, des étudiants occupent la Plaza Bolívar pour exiger l'application des accords de paix entre le gouvernement et la guérilla. Último aviso, están buscando a Marcela Machuca, acercarse por favor aquí al sonido. Marcela Machuca, por favor. ¡Queremos la paz! ¡La paz de los pueblos! Esto es una acción ciudadana. Cette action est purement citoyenne, sans filiation politique d'aucune sorte, et vise à obtenir deux choses qui sont importantes pour nous en tant que membres de cette société. La première, que l'on signe des accords maintenant. La seconde est que plus aucune arme ne résonne dans ce pays dans le cadre de ce conflit, c'est-à-dire que le cessez-le-feu soit définitif. Nous avons commencé mardi avec 6 personnes et 2 tentes. Aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes sur le campement et plus de 40 tentes. C'est un acte de résistance civile. Nous sommes sur la place Bolívar à Bogota et nous sommes au centre de la ville. Non pas le centre géographique, mais le centre du pouvoir. Et comme ce pays s'est construit pendant la colonie, vous trouvez ici l'église, la mairie, le palais de justice, le congrès, et là, derrière, la maison de Nariño, c'est-à-dire le palais présidentiel. C'est pourquoi la place Bolívar a toujours été l'épicentre des manifestations à Bogota. Elle a vu défiler de nombreuses marches pour les victimes des conflits, pour les déplacés, pour les étudiants. Et aujourd'hui, elle nous reçoit, nous, qui manifestons pour obtenir que ces accords soient signés. Ce sont des étudiants, des professions libérales, des personnes du troisième âge, des enfants, tous ceux qui veulent lutter. Notre seul but, obtenir la paix le plus rapidement possible. Cette semaine, nous attendons un grand nombre de personnes. Tout ce que nous recevons provient de dons spontanés, la nourriture, tout. Je suis reporter à photo, j'ai pas mal couvert la guerre, les communautés et la souffrance des habitants. Il n'y aurait rien de plus stimulant que de laisser à mes enfants un pays sans guerre. Quand je suis né, le pays était déjà en guerre. J'ai 51 ans et je suis à la moitié de ma vie. Nous avons toujours connu la violence. Vamos a decir esto todos que viva. ¡Viva las víctimas de la guerra! Les accords de paix prévoient la mise en place d'une commission de la vérité, mais aussi d'un tribunal spécial pour la paix, intégré pour partie par des magistrats étrangers. Une justice transitionnelle nécessaire après un demi-siècle de violence. D'abord, il faut dire qu'il n'y avait pas ni de la part du FARC, ni de la part du gouvernement. Luis Guillermo Pérez, avocat. Un intérêt à traiter les droits des victimes à la justice comme il fallait. Et le gouvernement voulait simplement faire traduire en justice les militants des FARC et les FARC voulaient une amnistie pour tout le monde. Et nous avons proposé un tribunal spécial pour la paix qui a été finalement adopté et qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité où les deux parties acceptent que les responsables des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui ne peuvent pas être amnistiés, et pour être traduit en justice dans ce tribunal. Eduardo Carreño, avocat. Ici, les chiffres changent tous les jours, mais le chiffre de militaires emprisonnés tourne autour de 2600, dont près de 1900 pour crimes d'État. Mais les militaires sujets à investigation seraient entre 12 et 16 000. Des cas qui ont été recensés et qui font l'objet d'une procédure judiciaire pour avoir participé ou être lié aux crimes, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. La crainte, évidemment, c'est que les militaires en prison, ou ceux qui vont être jugés, se mettent à avouer. Parce que tous ne vont pas taire la vérité. Mais s'ils commencent à avouer, alors c'est tout un pan des organes de sécurité et tous ceux qui y sont liés, de grands patrons régionaux et des politiques, qui pourraient aller en prison. Alors si on voit arriver des magistrats indépendants soutenus par la justice internationale, des procureurs indépendants qui se mettent à enquêter sur tout ceci, toutes ces structures criminelles vont refaire surface et vont apparaître. Sans compter la possibilité que les victimes elles-mêmes participent à ces procès. Beaucoup de vérités vont se faire jour avec des conséquences pénales. Responsabilidades penales en justicia. Uno de los afanes. C'est pourquoi tous les efforts d'Uribe et du Centro Democrático, mais de nombreux autres aussi, consistent à empêcher que sorte la vérité et à faire que la justice ne s'occupe pas de ces cas-là, mais seulement de ceux liés à la guérilla dans les zones de conflit. Mais dans ces conflits, il n'y avait pas seulement la guérilla, mais aussi l'État et l'establishment. Ceux qui veulent voir dans le phénomène des paramilitaires la réponse d'un groupe de civils aux violences de la guérilla sont juste en train, comme on dit vulgairement en Colombie, de pisser à côté du vase. Javier Osuna, journaliste. Ce qu'il y a en Colombie, c'est une manifestation violente de l'extrême droite qui a des liens historiques et complices avec l'État et les forces militaires. C'est pourquoi on n'en vient pas à bout. Car si tu coupes une tête de ce monstre, il y en a 100 qui sortent pour muter et continuer. En Colombie, il va être très difficile de revenir à une réelle vie civile, tout autant que de démanteler les groupes paramilitaires. Aujourd'hui, le narco-paramilitarisme se maintient en Colombie. Des groupes plus discrets restent actifs pour réprimer les opposants politiques et les organisations populaires. En fait, on assiste à une transformation de ces mafias en réseaux. Ces réseaux peuvent prendre les armes si besoin, mais ce ne sont pas des armées permanentes. Mais ils tuent, ils contrôlent la population à partir de réseaux de policiers, de fonctionnaires, de politiques, d'hommes de main. Et tous ces gens ont un chef, celui qui dirige le trafic de la cocaïne. La réalité politique reste la même. Violence, absence totale de démocratie, des structures élitistes qui s'emparent des terres pour en exploiter les richesses et principalement la cocaïne. Mais aujourd'hui, il y a toute une partie des officiers de l'armée étroitement liés à la vente d'armes et au narcotrafic. Iván Cepeda, sénateur. De grands propriétaires qui n'ont pas du tout envie que l'on rende la terre aux paysans. Et de nombreux autres secteurs qui veulent éviter à tout prix la paix. Ces gens vivent dans l'espoir de réveiller le phénomène des paramilitaires et de le lancer contre le processus de paix. Derrière tout le discours d'Uribe contre le processus de paix, il y a en fait une peur de la démocratie, une peur de la justice et une peur d'assister à une réforme agraire en Colombie. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir les structures les plus conservatrices en politique et en économie rurale. Malgré toute la violence et toute la terreur exercée en Colombie depuis si longtemps, les bases d'un changement social impliquant les forces progressistes n'ont pas été réduites à néant. Et ces forces sont derrière ceux qui veulent la paix. Si no creyeran quien me escucha, si no creyeran lo que no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Colombie, le combat des victimes du paramilitarisme, un documentaire de Nicolas Jox et Christine Diger, traduction de Dominique Colombani, avec les voix de Cyril Dubreuil, Dominique Colombani, Lionel Robert, prise de son Fabien Gosset, Julien Douminc, mixage Olivier Dupré. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou nous réécouter dans la jungle, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous podcaster partout, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, le centre Primo Levi, survivre après la torture. Et pour toujours plus de documentaires, allez voir le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création on Air et Une Histoire Particulière.